going. Yeah. Okay. Amanda et Jacqueline Mont, Mont l'Escalier. Amanda dit à Jacqueline qu'elle a perdu son putois, Citrio. Jacqueline aide Amanda à retrouver son putois. Merci beaucoup de m'aider à retrouver mon putois. Oh, ce n'est pas un problème. Est-ce que ça arrive souvent? Alors, peut-être une fois par semaine ou peut-être une fois par jour. Voilà! Est-ce que c'est un putois? Oui! Yay!